très chère Madame Rosa, comment allez-vous aujourd'hui? C'est un beau temps pour la saison, il ne devrait pas y avoir de pluie. Oh mais quel est cet enfant que je vois là? Est-ce qu'il fait partie de la famille? Est-il un frère, un neveu, un cousin, un voisin, un oncle ou un ami? Bonjour mon très cher petit garçon, dis-moi comment vas-tu aujourd'hui? Accepterais-tu un petit bonbon? C'est un cadeau de la boulangerie. As-tu perdu ta langue, petit garçon? Ne veux-tu vraiment pas de bonbons? J'en ai des bleus, des violets, des verts, des jaunes, des rouges et aussi des marrons. Au revoir, Madame Rosa, bonne journée et n'hésitez pas à repasser. Quand le petit se sera décidé, il pourra revenir les chercher. Tous ces bonbons que j'ai là bien rangés, il n'en trouvera jamais d'aussi bons. J'en ai des bleus, des violets, deux, trois mots, et des verts, des jaunes, des rouges et aussi des marrons. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo